Inexorablement, je vois les jours qui passent. Le manque d'eau assèche ma bouche de carton. Passerai-je toujours auprès de la fontaine sans y tremper mes lèvres, me gorger de son eau? Inexorablement, je vois les mois qui passent et la faim me tenaille, me ronge l'estomac. Passerai-je toujours devant la boulangère sans mordre dans son pain et caresser sa croûte? Inexorablement, je vois les ans qui passent et le froid m'envahit en gelant tous mes os. Passerai-je toujours devant ce chaud manteau sans recouvrir ma peau du velours de sa peau? Inexorablement, je vois ma vie qui passe et ma vie qui s'enfonce dans un marais d'ennui. Trouverai-je la force d'infléchir le chemin qui mène à la lumière pour y brûler mes ailes? Dans cette vie où je survis, que je suis tel un zombie, trouverai-je l'oasis? À marcher trop longtemps dans ce désert brûlant, je consomme mes jours à zéro rendement.